Conte de fées. Louise Laëdec. La vie d'Émilie changea quand elle rencontra Rodolphe. Ce fut comme si le destin avait guidé jusqu'à elle les pas de cet homme. Celui qui lui offrirait tout ce qu'elle désirait avait enfin surgi. Pas de cheval blanc, mais une voiture intérieure cuir. Alors qu'elle s'attardait souvent avec envie devant les vitrines des boutiques de luxe, ce fut derrière la vitrine du salon de coiffure où elle travaillait qu'il l'aperçut. Il n'entra que pour faire sa connaissance, car ce n'était pas le genre d'établissement qu'il fréquentait. Émilie fut vite comblée par les beaux restaurants où il l'emmenait, les palaces où il passait la nuit parce qu'il habitait encore chez ses parents, les cadeaux hors de prix. « Vous vous rendez compte, un sac Vuitton, un vrai ?» frimait-elle avec un sourire mystérieux devant ses copines médusées. Elle découvrait un univers qu'elle ne faisait qu'admirer dans les magazines People qui se trouvaient au salon, s'imaginant être Julia Roberts dans Pretty Woman. Elle avait trouvé son Christian Grey, avec qui achever son initiation au plaisir de la chair. Émilie était devenue l'héroïne de ses histoires et de ses photos qu'elle regardait avec avidité. Elle avait rencontré son riche prince charmant. Peu importe si son cœur était plus séduit par la taille de son portefeuille que par sa personne. L'homme lui offrait tout ce qu'elle désirait. Elle n'avait qu'à faire tout ce qu'il demandait. Elle pensait constamment à lui, impatiente de le retrouver les soirs où il était disponible. Elle rêvait à la belle maison qu'ils auraient, aux voyages merveilleux qu'ils feraient ensemble, aux belles robes qu'elle porterait. Elle voulait le présenter à ses parents pour les impressionner, mais Rodolphe disait que c'était prématuré, qu'il y avait des règles à respecter. Elle avait hâte de rencontrer ses amis, sa famille, mais il lui demandait de patienter. Émilie ne saisissait pas très bien les raisons de cette attente. Rodolphe l'embrouillait avec des phrases très longues, des « tu comprends ?» et elle n'osait lui dire que non, elle ne comprenait pas. Il était tellement plus intelligent qu'elle. Elle sentait confusément que l'univers de son prince charmant était régi par des codes qui lui étaient inconnus et qui lui semblaient bizarres. Mais ce n'était pas grave. Elle était comblée de cadeaux et vivait du haut de son nuage un vrai conte de fées. Quand Rodolphe lui annonça que son parrain voulait la rencontrer, elle sut que c'était une étape importante pour leur couple. Rencontrer enfin un homme qui compte dans la vie de votre futur mari, cela signifie que l'histoire est sérieuse, non ? Bertrand de T lui demanda de venir chez lui le mardi suivant à 17h. Il y avait quelque chose de solennel dans cette invitation. Émilie éprouvait la même appréhension que lorsqu'elle était convoquée par le directeur quand elle faisait son CAP, mais elle se rassura en se disant que les gens de la haute avaient seulement leurs habitudes, même si elles lui paraissaient étranges. En arrivant devant le somptueux hôtel particulier, elle eut un mauvais pressentiment. Le majordome, elle avait mal compris les explications de Rodolphe, ne lui inspirait rien de bon. Il se donnait de grands airs avec son balai dans le cul et ses « Suivez-moi, mademoiselle !» Pourtant, depuis qu'elle connaissait Rodolphe, elle en avait fréquenté des lieux luxueux et des employés qui la regardaient avec insistance. Elle trouva Bertrand dans un salon à l'atmosphère glaciale. Il était grand, maigre, élégant avec son costume, sa cravate, son gilet, imposant comme le sont les hommes de 50 ans qui prennent soin de leur apparence. Le petit sourire qu'il affichait la mit mal à l'aise. Elle commit un impair quand il lui tendit la main alors qu'elle s'apprêtait à lui faire la bise. Elle n'aima pas non plus la façon dont il la scruta de haut en bas en l'invitant à s'asseoir. Pourtant, elle avait longuement réfléchi à sa tenue. Elle avait mis une jupe qui lui arrivait à mi-cuisse et son soutien-gorge ne dépassait pas de son décolleté pigeonnant. Émilie ne comprit pas, tout d'abord, où il voulait en venir quand il lui expliqua que, dans leur monde, on ne se mariait pas avec n'importe qui. Elle se mit à pleurer quand il lui dit qu'il y avait deux catégories de filles, celles qu'on épouse et les autres. « Vous comprenez, Émilie, Rodolphe et vous n'avez rien en commun, » annonça-t-il sans détour. « Vous n'êtes pour lui qu'un amusement, une distraction temporaire. » Émilie eut l'impression d'être en plein cauchemar. Elle l'observait à travers ses larmes comme dans un brouillard. Elle n'était finalement qu'une pauvre fille qui s'était fait avoir. Elle avait froid, elle avait chaud, elle tremblait. Rodolphe l'avait laissée rêver de mariage, évoquer sa robe, les invités, cette peste de tata Josiane qui en crèverait de jalousie. Émilie réalisa qu'il restait toujours évasif quand elle évoquait l'avenir de leur couple. Il la faisait taire d'un baiser enflammé, si bien qu'elle se retrouvait ensuite, la bouche trop pleine pour continuer à parler. Il lui disait qu'elle était la meilleure suceuse du monde. Ça, c'était un compliment qu'il savait lui faire. La colère remplaça le chagrin. Elle avait l'impression d'avoir été trahie, manipulée. Elle apprécia le mouchoir que Bertrand lui tendit en venant s'asseoir à côté d'elle. Ses sanglots finirent par se calmer. La main posée sur son épaule, le parrain de Rodolphe lui frottait à présent le dos avec les « chut, chut » qu'on murmure à un enfant pour l'apaiser. « Ça va aller, tout va bien se passer, rassure-toi », lui dit-il en abandonnant le vouvoiement. L'homme froid qui venait de briser ses rêves semblait à présent très compatissant. Émilie se sentait vidée, sans force, sans avenir face au gouffre qui venait d'engloutir ses projets. « Tu sais, lui dit-il, cela ne change pas grand-chose. Vous pourrez continuer à vous voir, mais il vaut mieux que tu saches à quoi t'en tenir. » Continuer de le voir ? En avait-elle envie ? Oui, bien sûr. Rodolphe était son prince. Mais ce ne serait plus comme avant. Adieu mariage, belle maison, beau voyage. Il resterait cependant les beaux cadeaux. Émilie reprenait espoir. La situation n'était peut-être pas aussi horrible qu'elle l'avait cru. Rien ne vous empêche de continuer à profiter des plaisirs de la vie, ensemble et avec d'autres. Une belle fille comme toi aurait tort de ne pas le comprendre. Rodolphe m'a demandé de t'expliquer tout cela pour que ce soit moins brutal. Nous sommes très proches, lui et moi, et nous partageons beaucoup de choses, tu sais, ajouta-t-il d'un air entendu. Quand Bertrand l'attira contre lui, posa la main sur son genou, elle ne comprit toujours pas ce qui se passait. Elle lui sourit pour le remercier de sa gentillesse. Finalement, le parrain de Rodolphe n'était pas si terrible qu'il en avait l'air de prime abord. Elle posa la tête sur son épaule. Il sentait bon, il était chaud, rassurant. La main de Bertrand remonta sur sa cuisse pendant qu'il posait des baisers encore paternels sur ses cheveux. Émilie se raidit, moins toutefois que le sexe de Bertrand. Elle prit conscience du fourmillement familier entre ses cuisses, celui qui surgissait chaque fois qu'un homme la touchait, et en éprouva immédiatement de la honte. Elle eut un mouvement de recul, mais Bertrand la maintint contre lui. « Ne sois pas bête, je te l'ai dit, Rodolphe et moi partageons tout. » Sidérée, Émilie ne sut quoi répondre ni que faire. Bertrand attrapa un paquet dans sa veste. « Regarde, Rodolphe a prévu un petit cadeau pour te consoler. » Émilie ouvrit la boîte et en sortit un collier aussi beau que celui que Rodolphe lui avait offert lors de leur premier week-end, quand ils avaient baisé si longtemps qu'elle avait eu mal pendant 2 jours. Elle sourit timidement et demanda à Bertrand de l'aider à l'accrocher. Elle se tourna, releva ses cheveux pendant qu'il lui passait le collier autour du cou. Puis il lui caressa la nuque, faisant naître un délicieux frisson le long de sa colonne vertébrale. Les mains s'attardaient sur sa peau, descendaient vers ses épaules. Émilie ferma les yeux. Il était si gentil avec elle, tellement prévenant. L'excitation revenait. La jeune coiffeuse avait envie d'être réconfortée. Le vide qui avait suivi la disparition de ses rêves ne demandait qu'à être comblé. Comme elle ne le repoussait pas, les lèvres de Bertrand remplacèrent ses mains. Il tira sur le tissu pour découvrir et embrasser son dos. Émilie s'abandonna. Elle se sentait désirable, désirée, et cela lui suffisait. Elle mouillait. Elle n'avait plus besoin d'autre chose. Elle se retourna, regarda Bertrand une seconde avant de l'embrasser. c'est qu'il n'était pas si mal. Elle lui passa les bras autour du cou et se serra contre lui. Bertrand n'attendait que cela pour laisser parler son désir. Elle était vraiment sexy, cette gamine. Rodolphe ne lui avait pas menti. Et il lui avait assuré qu'elle savait y faire. Une vraie petite salope au lit. Sans cesser de l'embrasser, de peur qu'elle recule, il prit sa main qu'il posa sur son érection. Obéissante, elle malaxa la queue raidie à travers le tissu. Bertrand attrapa un sein qui ne demandait qu'à sortir du décolleté plongeant. Il cessa de l'embrasser et, d'une pression de la main sur sa tête, lui fit comprendre ce qu'il voulait. Émilie obtempéra. L'idée de sucer le parrain de Rodolphe l'excita davantage. N'était-ce pas, en fin de compte, une manière de prendre sa revanche? Elle s'agenouilla devant le membre rigide que Bertrand avait sorti, posa délicatement ses lèvres sur le bout rouge et le goûta d'une langue gourmande. Elle poussa un soupir de satisfaction. Pas de phrases compliquées, pas d'explications obscures, juste un homme qui la désirait. Elle était enfin sur un terrain qu'elle maîtrisait. Elle le léchait avec application. Aussi n'entendit-elle pas la porte s'ouvrir. Par l'entrebâillement, Rodolphe observait la scène. Son parrain l'avait initié aux plaisirs les plus décadents. Mais en le voyant se faire sucer par celle qu'il croyait follement amoureuse de lui, il eut un pincement au cœur. Son parrain lui avait pourtant assuré que les choses se passeraient ainsi. Il avait parfaitement cerné le genre de fille qu'était Émilie. Quand Rodolphe avait aperçu cette jolie fille, un brin vulgaire avec ses cheveux peroxydés dans un salon de coiffure, il l'avait désirée. Comprenant qu'il pourrait s'amuser avec elle, il était entré sans hésiter et ses scrupules à lui mentir n'avaient pas duré longtemps. Ils n'étaient pas du même monde, mais Émilie était si rafraîchissante, si naïve et tellement bonne au lit. Il avait fini par céder à Bertrand, qui insistait pour la rencontrer et savait déjà ce qui allait se passer. Il contemplait cependant avec une pointe de jalousie la tête blonde aller et venir au-dessus des cuisses écartées de Bertrand. Comme Émilie aimait se caresser pendant une fellation, elle avait relevé sa jupe, écarté son string et ses doigts s'activaient sur son clitoris. Rodolphe fut très excité à la vue du fessier bombé. Le visage extatique de Bertrand prouvait qu'il appréciait également les talents buccaux de sa dulcinée. Il aperçut Rodolphe, lui fit un clin d'œil, ainsi qu'un signe de la main l'invitant à approcher. « Émilie, tu suces divinement bien !» la complimenta Bertrand. « Tu es si belle, si sexy, si bandante, tu es faite pour le sexe et tu as tout ce qu'il faut pour satisfaire les hommes. Ce serait un crime de te consacrer à un seul alors que tu as de tels talents. » Émilie ne prêta guère attention à ces mots jusqu'à ce qu'elle sente une main se poser sur ses fesses. Elle releva vivement la tête, aperçut son prince la queue à la main. Surprise, colère, honte se succédaient en elle. Son regard alla d'un visage à l'autre, puis d'une queue à l'autre. Son cerveau lui disait de refuser une telle situation, de partir la tête haute, mais c'était aussi terriblement excitant. Son corps ne la laissa pas hésiter longtemps. Tout en branlant Bertrand, elle commença à sucer Rodolphe, sentant sur lui la bouche familière. Celui-ci s'attendrit. Il n'était pas encore aussi froid, aussi cynique que son parrain. Mais le désir prit vite le dessus. Il n'avait plus à ses pieds qu'une fille appétissante, prête à satisfaire tous ses désirs. Il avait déjà expérimenté avec elle la plupart de ses fantasmes, mais par un instinct de propriétaire, ne l'avait encore jamais emmenée dans les soirées libertines, ce qui aurait mis fin au conte de fées qui l'avait laissé envahir l'imagination de la jeune coiffeuse. Bertrand voulait davantage qu'une main s'activant sur son érection. Il s'agenouilla derrière Émilie et retira le string détrempé. Rodolphe en profita pour s'installer plus confortablement sur le divan. « Viens, ma princesse, prends ma queue qui t'aime tant, » dit-il à Émilie qui se remit à l'ouvrage. Titiller, lécher, engloutir le membre familier la comblait. Enfilant un préservatif judicieusement prévu, Bertrand prit quelques instants pour contempler la croupe offerte. Un vrai beau cul de salope. De ses doigts, il explora la petite chatte frémissante. Émilie poussa un gémissement et accentua sa cambrure. L'invitation était claire. Bertrand la pénétra d'un coup sec. Un soupir lui échappa. La chatte chaude, glissante, délicieusement serrée lui procurait mille agréables sensations. « Vas-y, tu peux y aller fort, elle adore ça !» l'encourageait Rodolphe, tout en caressant la tête de celle qui, une heure plus tôt encore, croyait leur histoire sérieuse. Qu'elle était naïve, quand même! S'imaginer qu'elle pourrait appartenir à son univers, alors qu'elle y détonnait tant par son langage, ses manières, ses tenues excitantes, mais combien inconvenantes. Il s'était bien amusé avec elle, et parfois s'était aussi laissé émouvoir, mais rien de plus. Il avait suffi de la complimenter, de l'éblouir avec des cadeaux, de l'emmener dans des palaces et des restaurants étoilés. Ces filles-là, quand elles sont naïves, gobent tout ce qu'on leur dit. Et la pornographie aide à les rendre très chaudes, comme Émilie qui s'était montrée une élève appliquée. Bertrand a ânonné derrière elle. Il avait libéré la poitrine plantureuse et l'a malaxée d'une main, tandis que, de l'autre, il a grippé une fesse charnue pour l'immobiliser face au coup de boutoir qu'il lui assénait. Il n'allait pas tarder à exploser. C'était difficile de se retenir devant un corps si jeune, si beau, une chair si fraîche. Rodolphe, qui, lui aussi, sentait monter la pression, s'exclama. « C'est bien, ma salope. T'es une bonne petite pute, hein. Ça te plaît de sentir ma queue dans ta bouche et celle d'un autre homme dans ta chatte. » Les mots qu'il avait déjà employés auparavant prenaient une toute autre dimension. Émilie en eut une brève sensation de honte, mais ne s'y attarda pas. Oui, elle aimait ça. Oui, elle se comportait comme une salope, comme une pute. Mais que c'était bon. Les deux sexes en elle l'excitaient. Elle aurait voulu en avoir davantage pour la remplir pleinement. Quand Bertrand introduisit un doigt dans son petit trou, elle gémit plus fort, imaginant ce que serait d'être prise entre les deux hommes. L'orgasme ne tarda pas à exploser, la laissant sans force. Tremblante, elle s'était arrêtée de sucer son prince qui la ramena à son sexe tendu. Elle le reprit dans sa bouche et de la main caressa les couilles gonflées. D'un doigt, elle pénétra son anus, sachant qu'il appréciait également cela. Elle ne tarda pas à accueillir le jet chaud et salé de Rodolphe, dont elle se délecta. Elle eut la pensée fugace qu'elle croyait leur histoire sérieuse, alors qu'il ne faisait que jouer avec elle. Lui en voulait-elle? Il n'était pas temps de penser à cela, d'autant que Bertrand venait d'introduire un second doigt après avoir vérifié que l'orifice n'était pas rétif à ce genre de pratique. Mais non, elle avait visiblement déjà été sodomisée. Rodolphe l'avait bien formée. La pensée de l'enculé, lui aussi prochainement, eut gain de cause de la résistance de Bertrand. Un cri rauque accompagna sa jouissance. Le plaisir laissa place à un silence pesant. Assise sur le divan, Émilie ne savait que faire. Devait-elle parler avec Rodolphe, chercher une explication? Se rhabiller et partir sans un mot, mais avec dignité? Les deux comparses souriant ne semblaient pas de cet avis. Bertrand proposa de leur servir à boire. D'un air satisfait, Rodolphe caressa la cuisse d'Émilie. Après tout, la fin des contes de fées semble bien ennuyeuse, alors qu'Émilie avait devant elle un avenir qui lui semblait mille fois plus excitant. La soirée ne faisait que commencer. Et l'héroïne du jour accepta finalement la proposition de Bertrand de poursuivre dans la chambre. Deux hommes pour elle toute seule, elle allait être traitée comme une princesse.